Kopon mwen pate ke repon nou. Jere sa. Pon mwen pou koman adou. Mwen pate la, mwen rive. Petit cochon, se mwen le gan mechon nou. Hey, yo, Berisha. Pelle glas. Kopon vini fe gos. Yo. Déjà pour yon, bien garder l'état où tout ça m'en va cabonne. Sacré ish con, vini pren y mode con. De ma fée dormi, t'as pas cherché la bonne. Yo, écoute-moi petite con. J'entends des paroles en parabole, tu déconnes. À part ton mec, personne te dit que t'es bonne. Ton dernier hit sera wine and go down. Pas chien oublié, non moi c'est Shannon. C'est bien ça. Écoute-moi petite con. Et puis y'a quoi? Tu déconnes. Rien du tout. Écoute-moi petite con. Stay connected now, imbécile.